listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For questions or comments, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. Vous êtes à l'écoute de KFAI 90.3 FM à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Alors, bonsoir, Dana. Moi, je suis Caril. Et je m'appelle Dana. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je n'entends rien sur ce microphone. Microphone. Oui, ça va. Ça va? Ça marche sur le moniteur, okay. Oui. On va faire les... Il y a des annonces. Let's have just an announcement or two, and we'll be right back with you. To continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer, download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit KFAI.org. All right. We welcome you to Bonjour Minnesota. Et cette semaine, which we have a bunch of music from France, but first we'd like to maybe we'll have some music about the weather. Ah oui, ah ben, il pleut, mais entre-temps, pendant que je conduisais, il a cessé de pleuvoir. It was raining, and while she was driving, the rain stopped. Mais je crois que ça va continuer. Yeah, I think it's the season. April showers bring May flowers. C'est ça. Tant mieux parce qu'on manque de l'eau ici. C'est une sécheresse. Even in Minnesota, are we having même a drought? Oui, même ici. Okay, let's go ahead and start out tonight with a couple of songs about springtime. And the first one that I'd like to play is by Stacy Kent. It's called C'est le printemps from her album Raconte-moi from the Blue Note label. As well, after that, we have a couple of songs from Québécoise called Cœur de Pirate, avec une chanson called Printemps, and another song called Comme des enfants. So here we go, songs for spring. Agité comme un roseau dans la tourmente, tous mes nerfs et tous mes rires en ce moment. Le monde me désenchante par ce beau jour de printemps. Fatigué, désabusé, sans courage, impatiente, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Je voudrais me sentir loin d'ici, fuir la vie de chaque jour, et peut-être en m'évadant ainsi, y trouverai-je de l'amour. Les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs. Le romance, douterais-tu du printemps?

stolen, not without a doubt, from a friend that morning. And so he offered her a corner of his umbrella, and he then went on to say it was a corner of paradise against a corner of his umbrella, and how wonderful it was. And he wished that she would stay with him in the under the rain, just like the great flood, 40 days and 40 nights. So romantic. I love Georges Brassens. Is he? He's that little bit of rolling R in all of his music. He wasn't Southerner, though. I think he was Parisian. Great song. Mm-hmm. Well, she had to go away finally and took a separate route, and he saw her fading away smaller and smaller. Mm. Alors, la deuxième chanson était Dalida, Quelques larmes de pluie. Some tears of rain. Mm. Tragic to have lost her so, but she was a great singer as well, singing in so many languages, Dalida. Dalida, je n'ai jamais entendu. Quelle autre langue chantait-elle, Miss? Well, I believe she sang in Italian as well. Ah, sans doute, oui. And she was Egyptian born, right? Oui. So, and I think if you just YouTube some Dalida, you might be able to find some of elle her était belle aussi. Concerts. Oh, yeah. Très belle. Tragic suicide. C'est ça. Yeah. So the next song that we have coming up, more rain. We're trying to make it rain, actually. We're trying to help with all the droughts. So we're just going to play some more French songs about rain. And the next song we have up for you is by Nicolas Jules, Une Petite Pluie, followed by Françoise Hardy, Même Sous la Pluie. Soleil, une petite pluie sous ton chapeau arrose tes pensées. sans s'éviter, sous les arbres qui se touchent, sous les arceaux des baisers qui ne vont plus à ta bouche. C'est déjà l'été, tu laisses pourrir l'amour, tu passes à côté du jour, c'est pas la nuit, c'est les mouches. Une petite pluie sous ton chapeau arrose ta pensée. Une petite pluie sous ton chapeau arrose ta pensée. Ça, c'était Nicolas Jules avec Une petite pluie. Et un peu de Nicolas, c'est un... Il est moderne maintenant. Il, that was the earlier rock song, yeah. Oui. Alors, il a commencé sa carrière en 1991 à l'âge de 18 ans. Maintenant, il a 40 quelque chose. Il a chanté au Francofolie de La Rochelle, qui est un grand concours chaque année, et à Montréal pour les Francofolies aussi. Cette chanson est de son deuxième album de 2013. Nicolas started his career in 1991 at the age of 18 years old, and he sang at the Francofolie of La Rochelle in Montreal. This song came off of his second album from 2013. Et ça nous vient par RFI, Radio France Internationale, qui nous envoie, ainsi que les suivantes, Françoise Hardy, la prochaine, elle nous, le RFI nous envoie des chansons chaque mois, les anciennes et des nouvelles. Ça va être suivi par Françoise Hardy, Même sous la pluie, que j'ai trouvée très belle. Hein? Mm, I love her. Elle était si mignonne. Elle a commencé sa carrière dans les années 60, la période yé-yé. Et elle était l'icône des années 60. Sa chanson « Tous les garçons et toutes les filles » était un grand tube. Tous les garçons... Wait, how does it go? How does that one go? Ah. Tu me demandes maintenant, je peux pas la chanter. Oh, sorry. We'll find it. We'll find it. Mm-hmm. Mm-hmm. Elle a composé toutes ses chansons avec soin extrême à la qualité de ses textes. Elle a sorti 27 albums. 27 albums, Françoise Hardy. Depuis 62 et 2012. Elle a une soixantaine d'années et elle n'était plus la belle jeune fille aux cheveux longs. Elle a des cheveux tout blancs maintenant. Mm-hmm. Et j'ai vu une interview avec elle. Elle est très, très mince. Ah. So, Françoise Hardy, icon of the 1960s, during the Yé-Yé period, she started her career. And her great hit was Tous les garçons, All the Girls and Boys, was the big hit in 1962. And she composes all of her songs with great quality and 27 albums from 1962 mm-hmm. to 2012. Yeah, she is amazing. Let's just go to an announcement. We can get back to some music. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. I had another song that I just came across today called Le Coeur by an artist called Sha. Je connais pas du tout. I know, and the videos are just brilliant, and ah bon? She has a bunch of songs that are really nice, but this one I just thought was so adorable, and since we had those songs by Coeur de Pirate earlier, I just mm-hmm. wanted to play this because this song is called Le Coeur, and it's by Sha. Drôle de nom. Drôle de nom. On y va. Essayer de m'approcher, comme on effleure un animal effaroché, courant sur l'autoroute de ton torse avec mon pied, je te touche mais si tu dors, tu m'as coulé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore un peu comme le vent léger. Je cherche au fond de tes yeux le souffle qui m'a aimé. Aime-moi, aime-moi, aime-moi encore une fois comme un éclat d'été. Approche-toi de moi et du bout des doigts lâche-toi, détends le cœur. Des fois que je m'y glisse de nouveau, détends le cœur. La la la. Un jour je suis ta lune, ton coup de dingue. Demain je serai la dune où tu me flingues. Pourtant tes doigts de soie m'ont dessiné mieux que les fées. Je te touche mais si tu dors, l'encre va couler. Dans tes bras je m'abandonne, je suis affamée. Prête-moi ta couronne, je la porte et je deviens ta reine de la nuit. Attention il est minuit, les larmes vont chasser les rubis. Me sais si tu me vois fond sous ton ombre et détends le cœur. Des fois que je m'y glisse de nouveau, détends le cœur. La la la. Pourquoi le temps se fait-il l'amant le plus capricieux? Et on navigue dans les méandres de nos sauts adieux. Approche-toi, oublions ça comme l'or, ce que nous sommes fabuleusement heureux. Ah, j'aime beaucoup, alors, c'est sensationnel. Elle s'appelle Sha. Sha. Est-ce qu'on a donné le nom, le vrai nom? Oh, je n'ai pas fait assez de recherches, mais je vais amener une chanson encore la semaine prochaine. Oh, formidable. Comment est-ce qu'on peut la trouver? Où est-ce que tu l'as vue, Ella? Je l'ai trouvée sur Spotify. She just showed up in the song list. Because Spotify, okay. Yeah, I looked under... Cœur de Pirate, oui. And then cross-referencing Cœur, the song came up, Le Cœur, and then I just stumbled upon it. So we're very fortunate to have that. C'est formidable. Excellent, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Elle chante bien et plein de rythme. Et toute mignonne. And mignonne little, comme tout, oui. Mm-hmm. Plein d'énergie. But now we need to go back to the rain. We're serious here. We're doing a rain dance here in the studio for you today. We want to let you know that we would like to make it rain. So back to our list. We have Mathieu Bugart, right? Oui. On dirait que ça pleut. And after that, we shall have Manu Galure avec mm-hmm. Que de pluie. And then a song by M, La pluie fait de claquettes. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut quoi? Ça pleut de la joie. Ça pleut ici. Ça pleut chez moi. Qui l'eût cru? Moi je le crois. Elle est venue jusqu'à mon toit. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Mais ça pleut tant, tant mieux pour moi. Ça pleut tellement qu'elle me nettoie. Mais qu'elle me remplisse, qu'elle me noie. Tant qu'elle pisse, je la reçois. Ouais, on dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. On dirait que ça pleut. On dirait que ça pleut bien. Parce que je pue, parce que je suis sale, parce que je sue, parce que c'est mal, parce qu'il n'y en a plus, parce que je râle. Elle est bienvenue, moi je la vale. La nuit tombe à grosses gouttes, tous les chats que la pluie dégoûte se retrouvent chez moi. Les oiseaux n'ont plus pied et je suis dépité, je déteste les chats. Et tandis que ça mouille, on entend les grenouilles qui nagent dans le bonheur et

Vous avez entendu trois chansons. D'abord, c'était Mathieu Bogaerts. Je crois que c'est un nom hollandais. Mm-hmm. Ça s'écrit B-2-O-G-A-E-R-T-S. Et Mathieu chante On dirait que ça pleut. Et c'est son sixième album et dernier album. Et là, il joue plusieurs instruments qu'il a appris à jouer toute seule. C'est un autodidacte, alors. On entend beaucoup de lui dans la musique moderne. So, Matthew Bogaerts, we're thinking it's a Dutch name, you said? Je crois, oui. Yeah, and this is his sixth album. The title of the song was, we would say it's raining. This is his last album. He plays lots of instruments, and that he learned, he's an autodidact. He learned how to play those instruments mm-hmm. himself. And after that? Ensuite, on a entendu Manu Galure avec une drôle de chanson. That's the one. Très bizarre. Que de pluie. Elle est née à Toulouse, dans le sud, sud-ouest. Il a étudié 10 ans de violon au conservatoire. Mm. Et lui aussi, il est autodidacte. Il joue aussi le piano, du piano, de la trompette et de la contrebasse. C'est son premier album solo maintenant. Il était avec un groupe avant. Le troisième, c'est M. M, c'est Mathieu Chédid. Il a commencé avec l'initiale M parce qu'il ne voulait pas être connu par son père, qui était Louis Chédid, très, très célèbre comme chanteur dans le passé. Il chante « La pluie fait de claquettes ». Drôle de titre. Rain is making tap dancing or tapping. Mm-hmm. Il a cette voix, on dirait une femme, mais c'est son style. Falsetto, sort of singing in falsetto. Mm-hmm. Il a un grand talent maintenant. Il est très, très célèbre en France. Il a fait six albums. Et elle a composé les bandes originales pour six films. Wow. Six bandes originales. He has made six soundtracks for films. Mm-hmm. Il a gagné 9 trophées aux Victoires de la musique. Et il est deuxième seulement après Alain Bachung qui en a gagné 12. Wow. So he has won 9 musical awards in the Victoire of the Music. That is only second to Alain Bachung, who has won 12. Énorme, talent, oui. Right. All right. Oh, je crois que tu vas l'annoncer, yeah. C'est vraiment sensationnel. I would love to. De grandes nouvelles, formidable. Tuesday morning, we officially exceeded our goal for spring pledge drive, marking $90,230 in member contributions. Bravo, bravo. Woo-hoo! Pour notre public et grand merci. 1,083 individual donations. And 80% of those contributions have already been paid. So this is not like the olden days when we'd have people call in and then they'd say, send us the envelope. And then the envelope would get lost in the countertop bills. it says, this amazing feat was done. We were able to do this not only because of our incredible staff and listener volunteers and members, but the volunteers that come to the studio and help make everything happen mm-hmm. as well. So we really know that everyone who listens to the radio station also know that this is their radio station. It's like a living, breathing entity. Ça, c'est vrai. So mm-hmm. it's like you make it happen. And that's today's marking the milestone of what we are trying to accomplish. Shows. And we thank you from the bottom of our hearts. We really sincerely do. So it allows us to play some more great music. So let's take just a moment to have a little detour. I was thinking we could go ahead and listen to another song, Away from the Rain, because today is the national day in the United States for beer. I know. It's totally crazy. Incroyable. She's like, Carrie's like, what is this beer songs on here? I was like, oh, well, I just work in marketing, and sometimes there's some, today's National Day for Beer. So I thought we need Chanson sur la Bière, and it's raining in beer. Why not? So the next song that we will listen to is called, sorry about that, we have La Bière by Jacques Brel, and after that, Bière et Fräulein by Michel Sardou. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien, le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de verres pleins qui vont à kermesse, comme vont à messe vieilles au matin. C'est plein de jours morts et d'amour gelé. Chez nous y'a que l'été, que les fillettes encore. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein de finissants qui soignent leurs souvenirs en mouillant de rire leurs poiluchons blancs. C'est plein de débutants qui soignent leurs véroles en caracolant de Prosit en scroll. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça

90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez est Bonjour Minnesota. Si vous avez des questions et des commentaires, veuillez bien nous téléphoner au studio au 612-341-0980 pendant que la musique se joue. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. If you'd like to call us, the number in the studio while the music is on is 612-341, and I always forget the last four, what are they? 0980. Merci. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. Oh, ben l'heure, il est... Mm-hmm. Ici, à Minneapolis, il est 21h03. Mm-hmm. And in Paris, that would make it 3:03 in the morning, right? Ils ont 6 heures d'avance, or did they change the hour? They changed over to summertime. So now it's 4 o'clock in the morning. Il est 4h03. Ouais. Du matin. And il y a des boîtes de nuit qui sont toujours ouvertes. Oui, il y a toujours quelque chose ouvert. There's always something that's open. Little grocer, you know. Mm-hmm. Well, there might be some cafe. The cafes usually close around 2, but there's all-night cafes at the Grand Place sometimes are open super late. Mm-hmm. All right, so let's get back. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? Encore de la musique pour la pluie, maybe? Il ne pleut pas maintenant, mais je crois qu'il va y en avoir demain aussi. We hope that it's going to rain tomorrow. Let's go for some Gilbert Bécaud with Jean Sablon après. So Gilbert Bécaud with Le jour où la pluie viendra et puis Jean Sablon with Rendez-vous sous la pluie et Jacques Brel, il pleut. La pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie, offriront les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, la triste, triste terre rouge qui craque, craque à l'infini et les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'enroule, roulerai de bagues et de colliers jolis, jolis. Oui, le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi, les fiancés du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Le ciel était si doux, la mer si belle. Oui, mais voilà ce soir, j'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? J'ai mes chaussettes qui font trempette. J'ai des frissons de la tête aux talons. Et dans la brume, j'attrape un rhume. Combien de garçons sont-ils morts de cette façon? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Nino! Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends là et je m'ennuie. Et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit. Dans tout le casino, c'était la fête. Pourquoi m'avoir dit oui tout en baissant la tête? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? Ok. Ça, c'était Jean, d'abord Gilbert Bécaud a chanté « Le jour où la pluie viendra ». C'était un grand tube. Je ne suis pas sûre de l'année, peut-être 50 ou 60, quelque chose. Il était un des très grands compositeurs interprètes de la chanson française. Il avait une très longue carrière qui inspirait des adaptations en anglais. Les chansons « Et maintenant »,« What now, my love » était de Gilbert Bécaud. « Et maintenant »,« What now, my love » et « Je t'appartiens », Let It Be Me. Gilbert Bécaud was a great composer of French music. And a lot of his career was inspired by adaptions of English songs. Oh, au contraire. C'était... No, the English copied him, right? Oh, les Américains. Mm-hmm. And then after that we had... Jean Sablon. Il a chanté Rendez-vous sous la pluie. Écrite par Johnny Hess et Charles Trenet, ce que je ne savais pas. Jean Sablon a fait ses débuts comme chanteur de cabaret au Casino de Paris avec Mistinguette. Ah! Qui est celle avec les belles jambes. Mm-hmm. Elle avait une drôle de voix, mais elle était célèbre pour ses belles jambes. Et aussi, il a fait de l'opérette. En 1933, il a pris trois musiciens de jazz pour l'accompagner, parmi lesquels étaient Django Reinhardt, et il a participé à la Révolution Swing. Cependant, il n'était pas très populaire en France. Il devait attendre un voyage aux États-Unis, où ici, on l'adorait, on a trouvé le Bing Crosby français. All right. Jean Sablon was one of the first... So he got a start as a cabaret singer at the Casino of Paris with Mistinguette and doing the operetta, right? And then in 1933, he took three jazz musicians to go with him on to be playing with him. One of them was Django Reinhardt, and he participated in making the swing music revolution of swing. And during his voyage to the United States, people started calling him the French Bing Crosby. So, Il est un crooner. He was a crooner, yeah. Chanteur de charme. All right. A little more. Let's go ahead with an announcement, and after that, some more music. Tune in to Verse Radio and take a tour through good music, old and new, with DJ Kari and DJ Lady M. From Minneapolis to Paris, hip-hop to electronic, Brother Ali to Shinehead, Aliyah to Groove Theory, hip-hop with a fresh perspective, a new web program on KFAI, uploaded every other Thursday at kfai.org/verseradio. Verse Radio. Get first. Oh, Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, y en a beaucoup de cassés. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tous ceux-là qui savent leur payer pour pouvoir s'amuser des fleurs de papier ou de l'eau parfumée. Les filles qui vont danser ne me regardent pas, car elles s'en vont danser avec tout cela. Il pleut, c'est pas ma faute à moi. Les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Les corridors crasseux sont les seuls que je vois. Les escaliers qui montent, ils sont toujours pour moi. Mais quand je suis seul sous les toits, avec le soleil, avec les nuages, j'entends la rue pleurer, je vois les cheminées de la ville fumer doucement dans mon ciel à moi. La lune danse pour moi le soir, elle danse, danse, elle danse, danse, et son haleine immense à l'eau me caresse. Le ciel est pour moi, je m'y plonge le soir, et j'y plonge ma peine. Il pleut, et c'est ma faute à moi, les carreaux de l'usine sont toujours mal lavés. Il pleut, les carreaux de l'usine, moi, j'irai les casser. That was Jacques Brel. Oui, ça c'était Il pleut, mm-hmm. par Jacques Brel, un peu triste. And he was saying les carreaux de l'usine. Ils sont toujours mal lavés. And he's going les to, fenêtres. He's going to break them. Oui. Because he's so upset when he goes to the dance that the girls don't look at him. Is that it? Plus ou moins dépressif, je crois. I think so. A sociopath. So we got there, Jacques Brel. Oui, quelquefois, ses chansons sont très tristes et déprimantes. Mm-hmm. Very depressing songs. Oui. Mais aussi, il fait des chansons pleines de joie, quelquefois. Mm-hmm. That's good. Alors, la première chanson que tu as jouée, c'était Mademoiselle K, Jouer dehors. Mm-hmm. On ne peut pas jouer dehors quand il pleut. Non. Cependant, quand j'étais enfant, je jouais dehors. Maman nous a laissé courir dans nos maillots de bain, dans les rues. Your mom let you run around in your swimsuits in the street. Dans la rue, en regardant les arcs-en-ciel. Oh, of course. Par terre, faites par des voitures. L'huile qui tombait. I thought you were talking about the rainbows that were made after the storms, after it oh, rained. Non, she says, terre. No, the ones on the ground from the oil coming out of the cars. Ah ben, quand nous étions toutes petites. Oh, would beautiful. You like some announcements? Yes, please. What's happening around town? Oh, all kinds town? Of things, especially at the Alliance. Coming up is the International Film Festival. The members of the Alliance Française will receive discounted admission to all French language selections at the Minneapolis International Film Festival. And we will have someone on here talking about the International Film Festival. Classes will begin soon at the Alliance, this week, I believe. And you can still register. On Thursday, the 9th, from 6 to 7:30, Apéro en Français at the University Club. That's that very lovely old one at the University Club. It's on Summit Avenue. Summit Avenue, that's right. grab a glass of wine at the member bar and join the group by the fireplace. That's Thursday from 6 to 7:30. Friday, the 10th at 7 p.m., Ciné Club, Sacré Croissance. See the film before the teleconference with the director on the 16th. It's in French with English subtitles. Sunday, the 12th, for kids, Ciné Kids, Les Vacances de Ducobu. It's a film for all the family without subtitles. Thursday, the 16th at 6:30, there will be a téléconférence, a televised conference, I suppose Skype, with Marie-Monique Robin in both French and English. It's presented as part of the Marianne Midwest Speaker Series, a forum for distinguished speakers from France to engage live audiences in Chicago and remote audiences across the Midwest by a participatory webcast. And that will be at the Alliance Française in the big room. And that's discussing the film, the one from... It sounded like something about it, Sacré Croissance. Right. Croissance meaning growth, I believe. I don't know what the title or what the subject exactly will be. Sunday the 18th from 2:30 to 3:30, Lecture Facile, Easy Reading, Beginning Level Book Club. Spring session started, yesterday, Monday, from April 6th to June 14th, and there are all kinds of classes, French for Travelers, Medieval French Literature, and Regions of France. You can go online to see the full schedule at the Alliance. You can sign up for a beginner intensive course, which is all French and 10 weeks of French, beginner 1 to 5 levels, 4 days a week for 3 hours. That's very intense. Wow. Monday to Thursday, 9 a.m. to noon. Or you can sign up for the 5-week course, beginner 1 to 3 and 3 to 5, 4 days a week, or 11 hours per week. That's May 11th through June 11th. Call them at the Alliance, 612-332-0436, or you can register online. If you're unsure of your level, you can take a placement test. For the children, there are summer camps in French, Passport to Adventure, French summer camp. For all ages of levels, including for immersion students and review for high school students, your child can explore the French-speaking world without ever leaving the Twin Cities. It's just great. It is. And also they have scholarships for high schoolers, too. It's open to students who will be in high school for the 2015-16 school year. Those would be people that are in high school now. They become members and take classes free of charges. Materials are also included. Applications will be accepted through April 30th. Go online and see about this. That's AF at, let me think. Bonjour. AFMSP. Bonjour at AFMSP. .org. Well, that Film Society, it'll be the 34th Annual Film Society. It will be shown at the St. Anthony Main Theater. There will be over a dozen French language films. Oh. Starting April 9th. That's coming up this week. Right. And the Alliance Française members will receive a discount on their admission. Look at their site. The French language films will be categorized by language, date, and time. Well, coming up, this is a ways away. Tuesday, April 28th and Wednesday the 29th, the Eichmann Ballet presents Rodin at Northrop. That's the 28th and the 29th at 7:30 p.m. Boris Eichmann's new ballet, Rodin, is dedicated to the life and creative work of the great sculptor Auguste Rodin and his apprentice, lover, and muse, Camille Claudel. A very fascinating love story. It was a wild passion that she had for him. Here's something for you French speakers. Alors, je le dis en français. Il y a recherche pour des expatriés français. La société CUT-E recherche une étude sur l'adaptabilité à l'international des expatriés français. Alors, étant à l'étranger pour une mission pour les entreprises françaises ou étant à la fin de leur mission ou étant déjà rentré en France depuis moins de 6 mois. Participer à cette étude consistera à répondre à 5 tests ou questionnaires, 45 minutes environ. Vous pouvez contacter Anaïs jusqu'au 30 avril sur le mail a.roux@cut-e.fr. Research study for French expatriates. Yes. Mm-hmm. They don't say if there's remuneration or not. Tuesday, April 14th at 6 to 9, Euro Cocktail Spring, 215, cross-border marketing at the Hilton downtown Minneapolis, and there is a fee. April 9th through the 25th is the International Film Festival. April 23rd at 6 p.m., there will be the film Camille Claudel at the University of Minnesota in preparation for the Eichmann Ballet. Saturday, April 25th, 9 to noon, French Language Department Alumni Reunion with breakout session classes. All are welcome, not just U of M alumni. That is a paying deal. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Okay. Revenons à notre musique. Oh, wait. Just a couple of announcements and back to some music. Hi, I'm Eve, inviting you to join me every Tuesday from noon to 2 p.m. on Corazon Latino for our weekly journey straight to the heart of Latin music, from the classics to the latest local productions. Music for dancing and music to transport you to a tropical space. Here on your community radio, KFAI. La invitación es para los martes, desde las 12 mediodía hasta las 2 en la tarde. Corazón Latino, su transporte directo al corazón de la música latina en su radio de la comunidad KFAI. Changing how you get around? KFAI would love to turn your vehicle into great community radio programming. You can donate your car, truck, van, RV, boat, motorcycle, any vehicle you no longer use can be a great help to us. After a few minutes of paperwork you'll fill out online, we'll get a tow truck headed your way. Find out more about donating your vehicle at kfai.org. Est-ce que le ciel s'est assombri assez pour toi? Entre deux rues qui ne se croisent pas. J'aime ce temps qui s'écoule entre parenthèses, jusqu'à ce que revienne l'ennui ici. La nuit s'éclipse quand je me glisse sous ton parapluie rose. La nuit c'est ça quand je la vois sous ton parapluie rose. La nuit s'éclipse quand je me glisse sous ton parapluie rose. La nuit c'est ça quand je la vois sous ton parapluie rose. Pourvu qu'il pleuve, qu'on ne puisse plus voir l'horizon. Nos passes à moi s'effaceront. Et vu d'en haut, plus que la foule qui s'enfuit,

deux chansons qui nous viennent par RFI, Radio France Internationale. D'abord, c'était Kevin Lartigue, sous ton parapluie rose, Under Your Pink Umbrella. Il est originaire de La Rochelle, Kevin Lartigue. C'est la nouvelle, on appelle le nouvel espoir de la chanson française. Il est inventif et malicieux avec un très bon sens de l'humour. So Kevin Lartigue, oh I'm sorry, go ahead. Oui, non, non, vas-y, c'est son premier album, Gina, sorti en 2013, cette chanson. Kevin Lartigue is a native of La Rochelle, and he's considered the new hope of French chansons. And his inventive, malicieux, sort of kind of bad sense of humor, kind of. This is his first album singing, Jenna. It came out in 2013. And after that, it sounded a little Middle Eastern. Oui, c'était Idir. Pourquoi cette pluie? Idir est algérien de Kabylie. Okay. Idir en berbère, la langue berbère, veut dire il vit, qui est allusion à une naissance difficile. Alors, il monte à Paris en 1975, où il a fait un tube planétaire connu partout dans le monde. Je ne me rappelle pas de cette chanson, mais ça s'appelait Avava Inova. Puisqu'il est peu à l'aise dans le show business, c'est-à-dire un homme modeste, il se retire et écrit pour d'autres personnes. Maintenant, s'il accepte à participer à de nouveaux concerts, ce sera pour soutenir différentes causes. Je trouvais très touchante cette chanson. Very much so. The Berber people. I have that good friend Akli Day that I mentioned on that show, who was playing music for the United Nations. They just have great hearts and really do some great work. So Idir is an Algerian from Kabylie. And his name, Idir in Berber, means il vit, he lives. So therefore, meaning that his birth must have been difficult. Mm-hmm. And he, in 1975, he had a big hit around the planet with Avava Inova. Je ne connaissais pas ça. Mm-hmm. But it could have, you know. Peut-être la mélodie est célèbre. He's so at ease with show business that he writes for others, and at times he is very busy organizing new concerts, participating in them, and supporting different causes. I think maybe we should mention for our American listeners who the Berbers are, that they are a one of my friends, I'd mentioned something about it, and she said, I thought that was rugs. Berber rugs, yeah. Right. And the Berbers people, are a Berber. Separate nationality and linguistic group in North Africa, spreading all across Morocco and Algeria. And they were there long before, with their own language, separate language, before the Arabic-speaking peoples came in. They are different looking. I remember seeing a waiter once in Prague, of all places, and he told me he was Berber, and he was blonde and blue-eyed. So they come in many different appearances. Right. I've seen, they're not the same as Les Hommes Bleus, are they? No. No, that's a different tribe. But yeah, I have seen Berber with blue eyes. Yes. In Paris. Mm-hmm. So it's just and they have their own sort of culture. Are they slightly nomadic? Maybe in the past. I don't think they are now. Right. I don't know if there are still some that are nomadic, perhaps. Mm. But I know they are a separate ethnic and linguistic group. Right. Mm-hmm. All right. We have announcement, and let's go back to some music after that.

It reminds me, it makes me nostalgic for going to the movies in France because you could get ice cream, Magnum bars, and they also had Heineken beer. Well, my ex-husband, he'd order the Heineken. I'd be like, I need the chocolate ice cream. And, oh, did I already tell that last time about Georges Moustaki? So now he has passed away, the great songwriter, singer, mm-hmm. Georges Moustaki. He would go to, at Metro Danton in Paris, on the left bank. There's all those cinemas there, right by the Procope old restaurant. Mm-hmm. And Georges Moustaki had a funny knack for always going to the same movie that we were at. So we would always make this thing like Georges Moustaki, 3 o'clock, you know, that, you know, like would look and find where he was. Be like, oh, Georges Moustaki, 10. Well, I know he lived on the Ile Saint-Louis. Oh, lucky him. I know, it's become very chic now. Well, was it ever like Nicolet Island? was it not chic? Our friend Louise lived there. Yeah. And when she was a child, and she said it wasn't fancy wasn't then. Oh. It was just an ordinary neighborhood. Oh. Although I think a lot of nobility originally had their homes there. Right. Oh. But being right on the river would be oh so chic. Oh, incredibly so. So incredibly expensive. Yeah. I think I've gone to, I had met some people who had houses there and had beautiful apartments that I was able to go to. Oh, you've been in some? Yeah. Mm. Once upon a time. Since I have a couple of more songs, since we've ended our song list with rain, I'd like to go back to some beer, since it's National Beer Day in the United States. It's hilarious. So we have two songs coming up. One is by this group. First of all, we have Sylvie Vartan to follow some Eddie Mitchell with this song called Baby Capone. And it's about the end of the Prohibition and all that stuff going on in Chicago. And then after that, followed by Les Croquants with a song called L'Accordéon, which will feel very French, from their album Ça sent la bière, which is actually a compilation CD. So here we go. Ooh. Si on était à Chicago, si c'était la prohibition, je ne donnerais pas cher de ta peau, tu ferais bien de faire attention. Si on était à Chicago, tu serais tout petit devant moi. Tu tremblerais de bas en haut, voici ce qu'on dirait de moi. À Chicago, et si tu voulais me quitter, je te ferais des petits trous dans la peau, je te ferais le cœur en pointillé. Si tu voulais partir un jour, nos adieux seraient très touchants. Tu t'en irais, mon amour, le cœur tranquille, les pieds devant. j'étais à Chicago, ça ne serait pas comme aujourd'hui. Tu me couvrirais de cadeaux, tu serais beaucoup plus gentil. Mais on n'est pas à Chicago, prends garde pourtant mon amour. Tu exagères, tu en fais trop, je pourrais devenir un jour. Il est 22h30. La soirée commence. Salut les joueurs! Ça va bien ou bien? La vie est cruelle aux musiciens des ruelles. Son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. C'est qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre. C'est dit toi, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Ils sont comme tu les chemises, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Une nuit tranquille, puis ce matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on en a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on en a l'accordé, accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de macre, il enfourche à son veston pour l'accordéon. Lui en pointe ses retraites pour se courir la. Accordéon, accordé, accordé, accordéon. L'homme en a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'homme en a l'accordé, accordéon. Mais un jour par lassitude, laissera la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50, sentir le sol à gros contre. Et on fera plus attention. Accordéon, accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Tu que la vie est cruelle aux musiciens les ruelles. Son compas, son compagnon, c'est l'accordéon. C'est tu qui l'aide à vivre, à s'asseoir quand tu s'enivres. Si toi c'est moi mais non, c'est accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. L'on a l'accordé, accordéon. All right, we just heard L'accordéon. Par les Croquants. Mm-hmm. On their album, Ça sent la bière. And before that, we had the Sylvie Vartan with Baby Capone. And what was she saying to him? Well, she was saying all the things about, you know, you don't cover me with gifts. You'd be going out the door feet first. Right. And I'm going to fill your, make some holes in your skin. Yeah, and cut your heart apart. Yeah, je te fends le cœur. Mm. So she's a tough baby, Baby Capone. Tough babe, yes. All right. So I guess we will say goodbye pour cette semaine. Ah oui, il est presque l'heure. And à la semaine prochaine. And we hope that there's some more rain. Encore de la pluie pour nous, pour tout le monde. Espérons-le, parce qu'on en a besoin. Mm-hmm. Mm-hmm. We definitely need it. So